C'est une diva talentueuse, diva, drôle, wow. Elle joue autant qu'elle interprète ses titres, elle a une véritable personnalité. Wow, merci. J'ai eu la chance, je vous en parlais tout à l'heure, de la voir sur scène récemment à Orléans, et elle sera le 15 juin à Orléans au Club 15. C'est une date qu'on ne peut pas manquer, et mais, vous allez voir, il va falloir réserver parce que ça promet d'être complet. Oui. Arc-en-ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les yeux. Elsia a un regard particulier, une manière d'interpréter. Oui, elle a deux yeux. Non, mais je ne suis pas un cyclope. Elle a une vraie personnalité à part. J'ai eu la chance d'aller l'écouter et l'applaudir à la Java Pop là, à Orléans la semaine dernière. Ouais. Et voilà, elle était en concert. Voilà, c'est une diva. Elle est solaire, elle est pétillante, elle est drôle. Elle communique avec son public, elle nous rassemble. Elle est complètement, elle est dans le partage, elle est dans l'échange. C'est ça. Et elle a actuellement donc son album est en écriture. Et donc pour l'instant, ce sont des reprises. Des reprises. Mais quelles reprises, entre autres Nougaro, Bidonville. Ouais. Mais franchement, c'est des interprétations incroyables. C'est joué, elle se les approprie complètement. On découvre ou on redécouvre ces titres-là. Mmh. C'est assez incroyable. C'est pour ça que je voulais qu'elle soit là ce matin dans les studios pour annoncer son prochain concert au Club 15. Le 15 au Club 15. On ne peut pas oublier. Voilà. Voilà. On n'avait aucune excuse. Et c'est sur réservation. Donc, comme je suis artiste plasticienne à côté, en première partie de soirée à 19h30, il y a le vernissage. Nous sommes 6 artistes orléanais et on a intitulé cette expo le Club des 6, au Club 15 du coup. Mmh. Et à 21h, il y a le concert. Donc là, ce sont des reprises de soul, de blues, un univers un peu jazzy aussi. Je serai accompagnée d'Alex Soubry, qui est un excellent guitariste, qui a travaillé avec Barta High, qui est une ancienne de James Brown, et un excellent bassiste, Bruno Ramos, qui lui tourne dans plusieurs groupes, dont avec Anita Farmin, notre star orléanaise. Voilà. Donc c'est vraiment, ça va être un très très bon moment. On vous promet une belle soirée. Donc n'hésitez pas à appeler le Club 15 ou à contacter le Club 15 via la page Facebook. Réservez vos places, donnez bien vos noms, le nombre de places, ou de me contacter directement sur ma page Facebook Elsia, E-L-S-I-A. Voilà. Et vous m'envoyez un message en privé, en MP, et voilà, je prends les réservations. Mais surtout, réservez. On a un nombre de places limité, et je vous promets une belle ambiance. On aura le plaisir d'avoir des reprises comme ce que je viens de citer, Nougaro, il y aura aussi Duffy avec Mercy, des reprises d'Amy Winehouse comme Back to Black, If I Got You. Enfin voilà, c'est vraiment, c'est très large, et il y a des morceaux qui sont plus doux, d'autres un peu plus toniques. Il y a également une reprise de Bang Bang qui a été reprise par Lady Gaga, et ça envoie vraiment je m'approprie les morceaux, mais après je m'inspire de tels et tels artistes. Je vous promets de. Et ce ne sont pas des morceaux pêle-mêle pris au hasard, puisque c'est une véritable fil conducteur. Elsia nous promène, c'est une balade. Elle joue son spectacle également, puisqu'elle est aussi comédienne, elle a des talents de comédienne. Et elle a beaucoup d'humour. Voilà. Et puis il faut dire que c'est peut-être dans les gènes, hein, parce que j'ai un oncle qui est comédien et humoriste, et qui lui part à Avignon là, comme tous les ans au mois de juin. Oui. Ah, très bien. Enfin, au mois de juillet, oui. Tous les ans, ça fait des années. Lui tourne à Paris, ainsi de suite, d'accord, en France. Donc, d'accord. Voilà. Dans les gènes. Merci à vous. Bon courage pour le concert. On se dit à très très bientôt. Ah oui, non, mais ça va être un vrai plaisir. Et oui, bientôt, avec grand plaisir également. Et bah oui, dès qu'il y a des nouveautés, on est là tous les samedis, il faut venir. Bon courage, bon week-end, et on se retrouve semaine prochaine. Bye bye. Arc-en-ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles.